Les ténèbres s'ouvrent, un chemin s'élève. Deux voix s'unissent, brisant les trêves. Riders qui s'avancent, portés par la foule. Chaque note résonne, la tension s'écoule. Par la foi, le public crie et chante avec moi.